On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication de Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Donc, on est arrivé maintenant dans un nouveau chapitre. Parmi les chapitres qui clarifient encore une fois des éléments qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le chapitre qui s'intitule « Aqidatu ashab al-hadith fi nuzul al-rabbi subhanahu wa maji'ihi ». C'est-à-dire la aqida des gens du hadith au sujet de la descente du Seigneur subhanahu wa ta'ala, ainsi que de sa venue. Donc l'imam As-Sabuni rahimahullah, il dit wa yuthbitu ashabul hadith nuzulur rabbi nuzulur rabbi subhanahu wa ta'ala kull laylatin ila sama ila as-sama' ad-dunya min ghayri tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyifin bal يثبتون ما أثبته الله ما أثبته رسول الله بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح ويمرون الخبر الصحيح ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. Donc l'imam As-Sabuni, il dit que les gens du hadith, ils affirment la descente du Seigneur chaque nuit au dernier des cieux sans faire aucune ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa descente avec la descente des créatures. C'est-à-dire, on ne compare pas la descente d'Allah avec la descente d'une créature lorsqu'une créature descend d'une chose. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et il dit donc, on l'affirme sans faire de comparaison, sans demander ou chercher le comment, sans nier l'attribut. On affirme ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à ce sujet-là. Et il dit wa yantahuna fihi ilayhi. C'est-à-dire, il s'arrête à ce sujet, à ce qui a été affirmé. Et il laisse les textes authentiques qui ont été rapportés à ce sujet-là tels quels. Ils les prennent tels quels, tels qu'ils sont mentionnés dans leur sens apparent. En ce qui concerne la signification du commun, c'est-à-dire en ce qui concerne le commun, ils s'en remettent à Allah dans sa connaissance, parce qu'il n'y a personne qui connaît la réalité de la descente d'Allah et le commun. Il n'y a personne qui sait excepté Allah Azza wa Jal. Donc on n'essaie pas de l'imaginer, ou de le décrire, ou de savoir le comment. Il dit ensuite, de même qu'ils affirment ce que Allah Azza wa Jal a révélé dans son livre à propos de ce qui a été mentionné sur la venue d'Allah. Et la venue d'Allah a été exprimée par deux termes dans la révélation. C'est le premier terme, c'est Al-Maji, qui vient de Ja'a Yaji'u, donc c'est la venue, et Al-Ityan, qui vient du verbe ata yati. Hein? Donc, al-Etienne, c'est la venue aussi. Et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent la venue d'Allah, comme le verset 210 dans Surat al-Baqarah qui mentionne al-Etienne. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهِ يعني qu'attendent-ils que Allah leur vienne. Et le verset 22 dans Surat al-Fajr, n'attendent-ils autre chose que Allah leur vienne, hein? Et l'autre verset dans Surat al-Fajr, le verset 22, et viendra ton Seigneur ainsi que les anges qui seront en rang. Donc, Cheikh Rabi, il fait un commentaire ici par rapport à ce passage. Et ensuite, il continue passage, point par point, il explique les propos qui ont été mentionnés. Donc, il dit maintenant, « Inna ahla sunnati wal jama'a ridwanallahi alayhim wa ala ra'sihim a'immatul hadith yu'minuna bi kulli sifatin athbataha allahu fi kitabihi wa sahhat an rasulillah » عليه الصلاة والسلام فكل صفة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة يؤمنون بها ويسلمون بها أو يسلمون بها وفق قاعدة تنطبق على كل الصفات ومنشأ هذه القاعدة القرآن والسنة يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنؤمن بالصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة عظيمة نستفيد منها نفي المماثلة والمشابهة عن الله في أي صفة نثبتها. ففي قوله في هذه الآية وهو السميع البصير إشارة إلى إثبات الأسماء والصفات على هذا الوجه وعلى أساس أنه ليس كمثله شيء. فأهل السنة سائرون على هذه القاعدة في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى الاستواء والنزول والمجيء والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم إلى آخر الصفات الذاتية والفعلية الثابتة لله تبارك وتعالى على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا أي نظيرا وشبيها. فكل صفة تثبت في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن بها وأنها حقيقة ثابتة لله تبارك وتعالى ولكن على أساس ليس كمثله شيء. ولهذا ترى كل إمام إذا سئل أو أخبر يقول من غير كيف أو من غير تكييف ولا تشبيه. Donc on va traduire tout ça jusqu'ici. Après on va continuer, inshallah. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que Allah soit satisfait d'eux, et à leur tête les imams du hadith, ils croient en tous les attributs que Allah s'est affirmé pour lui-même dans son livre et qui ont été rapportés authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunnah. Et donc, tout attribut qui a été mentionné dans le livre d'Allah ou dans la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils y croient et ils les acceptent selon la règle. Et cette règle, elle s'applique à tous les attributs sans exception. Et l'origine ou le fondement de cette règle, il est tiré du Coran et de la sunna lui-même. Hein? Ils sont tirés directement du Coran et de la sunna. Cette règle est tirée des sources et des fondements de la révélation, Coran et sunna. Et c'est quoi ces références dans la révélation pour cette règle? C'est le, comme par exemple le verset yani, qu'on a mentionné plusieurs fois déjà dans les chapitres précédents. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Le verset 12 dans sourate Fussilat. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on croit en les attributs d'Allah qui sont affirmés dans le Coran et dans la Sunna de la manière qui convient à la majesté d'Allah et à la perfection d'Allah. Selon ce fondement-là, selon la base de « il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant ». Cette règle est une grande règle. Et nous pouvons profiter de cette règle pour nier toute ressemblance ou comparaison avec Allah Azza wa Jal dans tous les attributs que nous lui affirmons. Et donc, à propos de ce verset, on dit donc, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et ça, c'est quand il dit qu'il est l'audient et le voyant, c'est pour indiquer que yani, on doit affirmer les noms et les attributs sur cette base-là, sur la base qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc si quelqu'un nous disait par exemple, pourquoi vous affirmez que Allah est voyant et qu'il est audient, qu'il voit et qu'il entend, alors que ça c'est des attributs qui existent chez les créatures aussi, hein? Eh bien, nous, on leur dit déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa huwa as-sami'ul basir », il dit qu'il est l'audient et le voyant. Donc, on l'affirme, nous aussi. Et s'ils nous disent, « Oui, mais ça, c'est une ressemblance que vous faites avec le Créateur, entre le Créateur et la créature », eh bien, on leur répond par le même verset, « Laysa kamithlihi shay », il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui. Hein? Donc, il faut comprendre donc, que lui et la vue, qu'on affirme à Allah est différent de lui et de la vue qu'on affirme au Créateur, à la créature. Parce que lui et la vue du Créateur convient au Créateur et lui et la vue des créatures conviennent aux créatures. Le Créateur est parfait. Donc ses attributs sont parfaits. Et les créatures sont imparfaites. Et par conséquent, ces attributs correspondent à leur imperfection. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, dans ce sens-là. Après, le cheikh, il dit que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils suivent donc cette voie-là. Hein? Et ils suivent sur cette règle. Ils suivent cette règle à propos, pas seulement d'un attribut, hein, pas seulement à propos de l'istiwa, hein, le fait que Allah s'élève sur son trône. Non, ils appliquent cette règle-là pour tous les différents attributs qui sont mentionnés, peu importe que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, du moment que ce soit dans la Sunna, hein, des hadiths basés sur des hadiths authentiques. Et donc il dit le cheikh ici que donc pour tous les attributs d'Allah, on applique cette règle. Que ce soit al-istiwa, hein, l'élévation d'Allah sur son trône, ou al-nuzul, la descente, hein, d'Allah Azza wa Jal au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel, ou bien al-maji, la venue d'Allah au jour de la résurrection, l'ouïe, la vue, la puissance, la volonté, la science, et tous les autres attributs qui sont mentionnés dans la révélation, dans le Coran ou dans la Sunna. Que ce soit des attributs qui ont rapport à l'être d'Allah ou qui sont reliés à ses actions, qui sont affirmés authentiquement à Allah Azza wa Jal, eh bien on doit les affirmer en se basant sur cette règle. Dans le verset « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. De même que un autre verset qui supporte cette règle aussi, le verset 4 dans Surat al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Et il n'y a pas rien qui lui ressemble. Il n'y a personne qui lui ressemble. Il n'y a rien qui soit comparable ou équivalent à lui. Parce que Al-Kuf, c'est celui qui est égal ou comparable. De même qu'un autre verset également qui confirme cette règle aussi, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Donc, ça c'est le verset 65 dans Surat Maryam. Donc le verset 65 dans Surat Maryam, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Est-ce que tu lui connais un semblable? Est-ce que tu lui connais un égal? Non. La réponse c'est non. Et donc, tous les attributs que nous affirmons à Allah Azza wa Jal dans son livre ou dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous les affirmons dans leur réalité, en nous basant sur yani, cette règle de base dans le Coran, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit, c'est pour cette raison-là que tu vois que tous les imams de l'islam, parmi les imams de la sunna, les imams de la religion, de la religion des, parmi les salafs, lorsqu'on leur pose la question à propos des attributs, ils disent, c'est-à-dire, ils disent, on affirme ces attributs sans chercher le comment, ou sans rentrer dans le comment, ou sans faire de comparaison, ou sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature. Donc ça, c'est les règles fondamentales qui sont établies par les preuves du Coran et de la Sunna au sujet des noms et des attributs que les salafs ont respectés et ont affirmés. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dévié sur ces questions-là parmi les différentes sectes et jusqu'à aujourd'hui, ces sectes elle continue à entretenir des égarements sur ces principes-là et à égarer les gens sur ces questions-là, comme les Asha'ira, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya. Et ces sectes-là, en particulier les Asha'ira et les Maturidiya, ils existent encore aujourd'hui et ils sont présents. Et ils ont des gens qui prêchent à ces voies d'égarement et qui jettent des choubouhats sur Internet, dans différents sites, dans les réseaux sociaux, pour justement essayer de mettre des doutes dans le cœur des croyants au sujet de l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Et il y a les Ahbash aussi, une secte qu'on appelle les Ahbash, qui également propage ce genre de fausseté et qui nie les attributs d'Allah. Et ils suivent leur cheikh qui s'appelait Abdullah al-Habashi, qui est mort maintenant et qui était installé au Liban et qui propage beaucoup d'égarements et de bid'ah, les bid'ah soufiyah et l'adoration des tombes et la célébration de la bid'ah du Mawlid et la négation des attributs d'Allah et la défense du shirk, le fait de prier les morts et l'adoration des tombes. Donc ça fait partie de leurs égarements. Donc c'est des gens vraiment dangereux. Ensuite le cheikh il dit فَيَذْكُرُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا فَيَقُولُ وَيَثْبُتُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أو يثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته الله أي في كتابه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الأحاديث التي جاءت بإثبات نزول الله تبارك وتعالى وبعضهم يدعي فيها التواتر أي أنها بلغت حد التواتر وينتهون فيه إليه يعني ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية. وهذه عبارة تأتي من المصنف قد لا يقصدها طبعا إن شاء الله، لا ما يقصدها، وإلا فأنتم تعرفون أن أهل السنة يؤمنون بحقائق الصفات لله تبارك وتعالى وأنها ثابتة، ويؤمنون بذلك وينكرون على من ينفيها أشد الإنكار، بل قد يكفرون فيها، بل كفروا بارك الله فيكم، ولكن الكيف لا نكيف. نؤمن بكل الصفات ونقف أمام كل صفة ونثبتها لله تبارك وتعالى، لكن نقول من غير تكييف، لأن الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. تعالى الله عز وجل أن يشابه شيئا من خلقه تبارك وتعالى. Donc on va traduire ce paragraphe, il est très important. Le cheikh il explique ici le dernier paragraphe ou le paragraphe qu'on a dans les paroles qu'on a expliquées. Il explique donc c'est la signification des paroles de l'imam al-Sabouni ici. Donc il dit que l'auteur il mentionne ici et il dit nous affirmons donc les gens du hadith affirment la descente du Seigneur chaque nuit vers le dernier des cieux, sans faire de ressemblance dans sa descente et dans la descente des créatures. Donc on ne fait pas de ressemblance entre Allah et les créatures dans la descente. Et on l'affirme sans faire de comparaison, sans demander le comment. On affirme tout ce que Allah a affirmé dans son livre, de même que tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans les hadiths qui ont été rapportés au sujet de la descente d'Allah azza wa jal. Et il dit que certains, même parmi les ulama, ils déclarent ou ils prétendent à ce sujet qu'il y a at-tawatur, c'est-à-dire at-tawatur, c'est-à-dire que yani le nombre de rapporteurs au sujet de cet élément de la foi ou cet aspect de la foi, il est rapporté par un très très très grand nombre de rapporteurs qui atteint le degré qu'on appelle tawatur, c'est-à-dire quand un hadith est rapporté par un très grand nombre, c'est-à-dire que c'est impossible que tous ces gens-là se soient mis d'accord pour mentir sur quelque chose. Donc, il peut pas y avoir aucun doute sur son authenticité. C'est ce qu'on appelle at-tawatur. Et pourquoi le cheikh, des fois, il mentionne at-tawatur dans certains points qui ont rapport avec la foi? C'est pour réfuter, justement, les gens de bid'a parmi les Mu'tazila et les Asha'ira. Pourquoi? Parce que eux, ils exigent ou ils demandent pour les éléments de la foi que ce soit basé sur des hadiths mutawatir. Ils disent que si les hadiths sont pas mutawatir, on peut pas les utiliser dans la foi. Alors que cette idée, elle est rejetée par les ulama du hadith et les ulama des salaf complètement, puisque ils n'exigent pas cette condition-là pour un élément, pour qu'il fasse partie de la foi et pour qu'il soit accepté dans la foi. Ils exigent uniquement que la narration soit authentique. Qu'elle soit mutawatir, ça c'est un détail, c'est pas une condition. D'accord? Et ici, par rapport à ça, yani, le cheikh, il explique. Donc, il dit, certains prétendent que c'est arrivé au degré de at-tawatur. Et il dit, وَيَنْتَهُونَ فِيهِ إِلَيْهِ. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent aux éléments qui ont été établis par la preuve dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Et les preuves qui sont rapportées dans les hadiths ou dans les versets, ils les laissent telles quelles, dans leur sens, tel qu'il est mentionné dans les versets et dans les hadiths. c'est-à-dire ils prennent le sens apparent de ces versets et de ces hadiths-là. En ce qui concerne leur connaissance, ils s'en remettent à Allah. Le cheikh, il dit ici, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par ils remettent sa connaissance à Allah, c'est-à-dire la connaissance du commun. Il dit ici, c'est une expression de l'imam qui n'a pas été voulue dans le sens que c'est une expression qui est un peu ambiguë. Quand il dit ils remettent la science de cette chose à Allah, il faut spécifier parce que les gens de bid'a, beaucoup d'entre eux font le tafwid, c'est-à-dire ils remettent la science de la signification à Allah. Ils disent on ne connaît pas la signification, c'est seulement Allah qui la connaisse. Et ça, c'est la bid'a qu'on appelle la bid'a du tafwid. Et ceux qui font cette bid'a-là, on les appelle les mufawwida, hein, comme les asha'ira, les maturidiyya. Parmi eux, il y en a qui font le tafwid. Et ils prétendent que ça, c'est la position des salafs, de faire le tafwid. C'est-à-dire de dire ou de prétendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba, ils récitaient les noms et les attributs d'Allah, mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça signifie. C'était comme si c'était des mots dans une langue étrangère, une langue extraterrestre, hein, que personne ne peut comprendre, comme si c'était des hiéroglyphes, hein, ou bien des symboles mystiques que personne ne comprend. Et ça veut dire qu'ils prétendent que les salafs étaient ignorants de qu'est-ce que signifiaient les noms et les attributs d'Allah. Il y a d'autres parmi les salafs, il y en a d'autres parmi les gens de bid'a qui, eux, ont dit que, yani, certains, justement, ils ont ces deux positions-là, soit le tafwid ou soit le ta'wil. Qu'est-ce qu'ils appellent le ta'wil? C'est de déformer le sens des attributs pour leur donner un sens qui va dans qu'est-ce qui est en accord avec leurs idées ou leur ce qu'ils appellent leur logique. Donc ils disent la position des salafs, c'est le tafwid, de dire qu'on connaît pas la signification. Puis la position des khalafs, ceux qui viennent après, qui sont venus après, c'est de faire le ta'wil. Puis ils disent la position des khalafs, elle est meilleure que la position des salafs. Parce que la position des salafs, c'est la position basée sur la sécurité, puis de prendre la position la plus sûre, de dire on ne sait pas. Tandis que la position des khalafs, elle est plus maîtrisée, elle est plus savante. C'est de chercher à trouver une interprétation qui est adaptée à leurs idées. Et dans les deux, cas, ces deux positions-là, en réalité, sont des positions des gens de bid'a. Que ce soit la position du tafwid ou la position du ta'wil, qui est en réalité une forme de tahrif, une déformation du sens. Et c'est pour ça ici que le cheikh, il clarifie. Il dit que l'imam al-Sabouni, ici, quand il parle de renvoyer la science à Allah, il ne parle pas de la science de la signification, mais il parle de la science du commun, parce que le commun, c'est seulement le commun qu'on ne peut pas connaître. Mais la signification de qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe, ces attributs-là, tous les sahabas, ils le connaissaient, et les salafs, ils ont compris la signification des attributs, et ils les ont affirmés tels quels. Donc, il dit, le cheikh, il dit, l'auteur, il a utilisé donc cette expression, et c'est évident que, inshallah, il n'a pas eu l'intention de dire ça dans ce sens du tafwid. Hein? Il dit, parce que sinon, vous savez très bien que les gens de la sunna, ils croient en la réalité des attributs d'Allah, Azza wa Jal, et qu'elles sont affirmées. Et ils croient en cela et ils condamnent toute personne qui nierait la réalité des attributs de la façon la plus sévère. Hein? Cette condamnation, chez eux, elle est forte. Même que parfois, ils vont jusqu'à déclarer mécréant celui qui refuse d'affirmer la réalité des attributs d'Allah. Même qu'il les déclare kuffar, barakallahu fikum. Il dit, mais quand c'est la question du commun, et quand on parle des attributs d'Allah, on ne cherche pas le commun et on n'affirme pas le commun. Hein? C'est-à-dire, on sait pas, on n'a pas la connaissance du commun. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de l'imaginer ou de commencer à essayer d'en parler. Et il dit, et nous croyons en tous les attributs d'Allah. Et on se tient devant chaque attribut et on les affirme à Allah. Et on dit, par contre, sans chercher à trouver le commun. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, hein, il dit pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui ressemble. Laisse que mithlihi shay. Il dit de la même manière que son être ne ressemble pas aux êtres des créatures, eh bien, ses attributs ne ressemblent pas non plus aux attributs des créatures. D'accord? Et donc, Allah Azza wa Jal, il ne ressemble à rien de ses créatures. Tayyib, on continue. Donc, le Cheikh, ensuite, il dit, وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ يُثْبِتُونَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي كِتَابِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَجِيءِ وَالْإِتْيَانِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تبارك وتعالى في صفة الاتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلى ستنود فرسيز هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يعني يوم القيامة فالمجيء ثابت والاتيان ثابت لكن دون تكييف على القاعدة المذكورة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة ودل عليها القرآن والسنة. Donc ici le Cheikh il explique, il dit que l'imam al-Sabouni rahimahullah, il mentionne donc dans qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure que les imams du hadith et les gens du hadith ils affirment ce que Allah a révélé dans son livre au sujet de la mention de la venue d'Allah. Les termes en arabe, c'est Al-Maji ou Al-Ityan. Et ces deux attributs sont mentionnés dans différents versets dans le Coran. Le verset, il a cité le verset 210 dans Surat Al-Baqarah et le verset 22 dans Surat Al-Fajr. Et là, Cheikh Rabi, hafizahullah, il mentionne un autre exemple. Il dit également dans Surat Al-An'am, le verset 157, il mentionne yani, le verset 157 dans Surat Al-An'am, il mentionne également yani, cet élément dans la foi. Le verset 157, on va lire la traduction. C'est 158, désolé. Je me suis trompé, c'est 158. Qu'attendent-ils que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains des signes de ton Seigneur, le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Donc ça c'est le verset en question, qui mentionne encore une fois la venue d'Allah, Azza wa Jal. Et ça c'est au jour de la résurrection. Donc la venue d'Allah, c'est quelque chose qui est affirmé par le Coran est par la Sunna. Hein? Et le Cheikh, il dit, mais on ne doit pas rentrer dans le commun. Hein? Ça, c'est une règle qu'on a mentionnée tout à l'heure. Et le Cheikh, il dit, ça s'applique également à cet attribut-là. Et c'est sur cette règle que les gens de la Sunna et de la Jama'a ont marché. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont appliqué cette règle-là. Ils ont avancé en se basant sur cette règle-là. Puisqu'elle est affirmée par le Coran et par la Sunna. Ensuite, il dit, l'imam al-Sabouni, rahimahullah, « Wa qara'tu fi risalati al-Sheikh Abi Bakrin al-Ismaili ila ahli Jailan, anna Allah subhanahu yanzilu ila al-sama'i al-dunya ala ma sahha bihi al-khabar an al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam » وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc ici le cheikh il cite la suite de la parole de l'imam As-Sabuni رحمه الله. Il dit donc qu'il a lu dans une risala, un livre de l'imam Abu Bakr al-Ismaili, qui fait partie des imams des salafs, dans ce livre qu'il a écrit pour les habitants de la ville de Jailan, qu'Allah Azza wa Jal descend au dernier des cieux, le ciel de la dunya, comme cela a été rapporté de façon authentique dans les narrations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et également Allah Azza wa Jal a dit, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. C'est-à-dire, qu'attendent-ils qu'Allah descende? Attends, je vais regarder, je vais me référer au verset 210 dans Surat al-Baqarah. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges? Donc ici, c'est la preuve à propos du fait que Allah Azza wa Jal, il vient au jour de la résurrection, de même que l'autre verset dans Surat al-Fajr, le verset 22, « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges en rang. Et nous croyons donc en cela, en tout cela, tel que cela a été rapporté, sans rentrer dans le comment. Et il dit, parce que si Allah aurait voulu nous expliquer le comment, il nous l'aurait expliqué. Donc on s'arrête à ce qu'il nous a mentionné. Et il dit, et on s'arrête, on ne va pas faire chercher à comprendre ce qui a rapport avec le comment. Comme Allah Azza wa Jal nous l'a expliqué, par rapport à ce qui rentre dans qu'est-ce qui est mutashabe, qu'est-ce qui est équivoque, qu'est-ce qui est équivoque par rapport à ce que Allah a révélé dans le Coran, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être interprété de diverses façons. Dans le verset 7, dans Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal, il dit, et c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et explicites, sans équivoque, qui sont à la base du livre. Tandis qu'il y en a d'autres versets qui sont équivoques, qui peuvent prêter à diverses interprétations. Alors, ceux qui ont une maladie dans leur cœur de déviation, ils cherchent expressément les versets qui peuvent être interprétés de diverses façons et qui sont équivoques, en cherchant à faire justement de la discorde et de la fitna, et en cherchant à les interpréter d'une certaine façon. Mais nul ne connaît leur interprétation excepté Allah et ceux qui sont enracinés fermement dans la science. Ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Mais nul ne se souvient de ça excepté les gens qui sont doués de raison. Donc ce verset-là, il nous explique que ce qui est mutashabih, ce qui est équivoque, il ne faut pas essayer de l'interpréter. Et en ce qui concerne qu'est-ce qui est équivoque dans les attributs d'Allah, eh bien c'est le comment des attributs d'Allah qui rentre dans qu'est-ce qui est équivoque, et non pas les attributs elles-mêmes, leur signification. puisque leurs significations, elles sont explicites et claires. Mais ce qui est équivoque pour nous dans les attributs d'Allah, eh bien, ce sont le, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le commun. D'accord? On n'a pas essayé de les imaginer ou de les décrire. D'accord. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ou bien on a encore peut-être quelques minutes. Ok. On va continuer encore quelques minutes, mais on ne peut pas aller vraiment beaucoup loin. Puisqu'il reste 15 minutes avant la salat. Donc, il dit ici, le cheikh, il dit « Al-mu'allif ka'adatihi ya'ti bil-adillati wa yuqarriru annaha haq wa annama tadammanathu min sifatillahi tabaraka wa ta'ala haq thumma ya'ti bikalami a'immatil islam fi ithbatil sifatil mu'ayyanatil waridati fi hadhal bab. » Donc, il dit le cheikh, il dit l'auteur ici, comme c'est son habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, il veut parler d'un attribut, il mentionne l'attribut, et puis il mentionne les preuves à son sujet, dans le Coran et dans la Sunna. Et il mentionne que ces attributs-là sont vrais, et qu'il faut les affirmer. Hein? Et il vient par la suite avec des paroles des imams, des salafs, des imams de l'islam, qui ont affirmé ces attributs-là en particulier, et telles qu'elles sont mentionnées dans le chapitre. Donc ça, c'est une méthodologie qui est claire dans le livre de l'imam As-Sabuni, et c'est une bonne méthodologie, parce que ça aide une personne à être convaincue et à savoir la vérité sur ces questions-là. Il dit فهنا يأتي بكلام بكلام أبي بكر الإسماعيلي وهو من أئمة الإسلام ومن أئمة الحديث وله كتاب المستخرج على صحيح البخاري وكتب وكتب كتابا لأهل جيلان ذكر فيه صفات الله عز وجل ومنها إثبات النزول والمجيء. فقال رحمه الله وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني لا مجال للعقل في الأمور الغيبية خاصة فيما يتصل بصفات الله عز وجل, لا مجال لا مجال وليس لنا أبدا طريق إلى معرفة الله وصفاته إلا إخباره, وإن كان منها ما يثبت بالعقل والنقل كعلو الله عز وجل فإن هذا ثابت بالعقل والفطرة, لكن بقيت كثير من الصفات ليس لنا وسيلة إلى معرفتها إلا النص من الله عز وجل أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc ici le cheikh il mentionne, et on va s'arrêter après ça, il mentionne ici que l'imam As-Sabuni, il a cité donc une parole de l'imam Abu Bakr al-Ismaili, qui fait partie des imams de l'islam et des imams du hadith, qui a un livre qu'on appelle Al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, ou bien disons c'est le sujet de son livre. Et Al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, souvent c'est yani, un livre dans lequel les ulama mentionnent des hadiths qui n'ont pas été rapportés par l'imam al-Bukhari dans son Sahih et qui sont aussi authentiques selon les conditions de l'imam al-Bukhari. Hein? Ou bien des fois c'est les mêmes hadiths mais qui sont rapportés aussi avec une chaîne différentes de celles que l'imam al-Bukhari a rapportées et qui sont aussi authentiques. Il a aussi d'autres livres. Parmi les livres qu'il a aussi, c'est le livre de l'imam, le livre qu'il a écrit pour les habitants de la ville de Jailan, dans lequel il explique les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce livre-là, il mentionne parmi les exemples l'attribut de la descente et l'attribut de la venue. Et c'est pour ça qu'il dit, donc, il a dit, j'ai lu le livre de l'imam Abu Bakr al-Ismaili, qu'il a écrit pour les habitants de la ville de Jailan, que Allah, qui dit que Allah Azza wa Jal descend au dernier des cieux de la, au dernier des cieux, et ce qui a été rapporté d'authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit, il n'y a pas de place pour la raison dans ces affaires-là, puisque ça a rapport avec les choses qui ont rapport avec l'invisible en particulier. Donc, on n'a pas à parler des attributs d'Allah en se basant sur la logique ou la raison. Dans ces questions-là, on se base sur la révélation. Et on ne pourrait pas connaître ces attributs-là, sauf si, hein, excepté parce qu'elles nous ont été révélées par Allah et mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il n'y a pas de moyen de les connaître par la logique ou par la raison. Il dit, il y a des attributs qu'on peut connaître par la raison et par la révélation, comme par exemple le fait que Allah est au-dessus de sa création. Ça, on peut l'affirmer par la raison et par la fitra aussi. Mais il reste quand même également beaucoup d'autres attributs dont on ne peut avoir la connaissance que par l'intermédiaire de la révélation et par les textes, soit dans le Coran ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.